L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. Le journal Le Quotidien nous apprenait sur la plume de Louis Potvin ce matin qu'on a un projet à Saint-Félicien, un projet de refaire un terrain de football et un terrain de soccer, et également de la rénovation également au centre créatif Marianne-Saint-Gelais. Quoi qu'il en soit, on va parler avec le maire de Saint-Félicien, M. Gilles Potvin. Bonjour, M. Potvin. Oui, bonjour. M. Potvin, si on parlait un peu de ce projet-là, ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, que vous avez ça dans vos cartons, j'imagine. Ben, le terrain synthétique, c'est un projet, oui, qui date de plusieurs années. On sait que le football, le soccer sont très populaires chez nous. On a aménagé ces terrains naturels-là avec la commission scolaire il y a quelques années. Rappelez-vous également qu'on avait aménagé nos terrains de soccer il y a 2-3 ans en terrain naturel. Et puis, c'est des sports chez nous qui sont très, très présents, puis qu'on pense qui intéressent beaucoup de jeunes. Alors, il y a un programme qui vient d'être annoncé par les gouvernements là, à propos des petites collectivités qui veulent s'équiper. Alors, on met le projet sur la table et puis on va faire une recherche pour essayer d'aller chercher l'aide nécessaire, puis on serait d'accord pour avancer là-dedans. OK. Est-ce que vous referiez à même endroit, en fait, ce serait à même place pour la piste d'athlétisme et le terrain de football également? Tout se passera à même place? Oui, exactement sur le même site. C'est carrément là avec la piste d'athlétisme et puis le terrain de football sur le site actuel qui appartient à la commission scolaire. Alors, il va y avoir des ententes là, à négocier avec la commission scolaire et puis on va voir leur participation, leurs intérêts là-dedans. Là. Mais on veut s'inscrire tout de suite. Je pense que c'est une belle opportunité. Ça se présente pas souvent. Et puis, c'est une priorité là qui avait été identifiée par le milieu depuis quelques années. Et puis, on va essayer de donner suite à ça là, au cours du présent programme. OK. Est-ce que vous avez eu des discussions avec la commission scolaire? Vous avez dit on va regarder avec la commission scolaire. Est-ce que vous avez eu des premières discussions? Qu'est-ce qu'en pensait la commission scolaire? Ben, à l'époque, oui, la polyvalente, M. Boivin, avait déjà là, milité pour ce projet-là. On s'était rencontrés à quelques reprises. OK. Puis, il y avait une espèce d'ouverture là, pour la commission scolaire. Oui, je pense qu'ils sont déjà sensibilisés, mais là, on va aller plus loin. Parce que si on a des garanties que le projet peut être accepté, ben on va négocier final avec eux autres. Mais il n'y avait pas eu, il y a quelques années, M. Potvin, vous corrigez si je me trompe, vous n'aviez pas fait un projet pour aménager des terrains de soccer? Oui, il y avait déjà un projet, oui. Mais... il n'y avait pas de terrain synthétique comme tel, mais on voulait là rajouter des parcours et puis améliorer l'état du terrain, là, mais on n'allait jamais aussi loin là, que le terrain synthétique là, qu'on a aujourd'hui. OK. Est-ce que le terrain va être également éclairé? Très important à mentionner. Ben, écoutez, là, on a un projet préliminaire. Oui, probablement que l'éclairage va être intégré là-dedans, parce que là, on parle d'un projet de façon préliminaire, là, d'un peu plus de 2 millions de dollars. Alors, ça comprend tous ces équipements-là. OK. Donc, vous allez déposer le projet? Est-ce que les réponses là, devraient venir quand, à peu près? Est-ce que vous avez une bonne idée? Ben, écoutez, le programme est en cours. L'analyse devrait se faire au cours des prochaines semaines, je pense, ou des prochains mois. On voudrait être capable, si jamais on a une réponse rapide, ben on est en préparation de budget également. Nous, par contre, là, le plan triennal était déjà pas mal booké. Mais si on a de l'aide, ben on ira voir à quelque part là, éventuellement, à travers peut-être nos surplus, à travers un règlement spécial. Okay. Parce que le règlement serait moins important. Alors, c'est pour ça qu'on souhaiterait avoir une réponse rapide. OK. Si on parlait maintenant d'un autre projet sportif que vous avez parlé hier, c'est l'éclairage et une partie de la rénovation du centre créatif Marianne-Saint-Gelais. Donc, on parle d'éclairage, on parle également de climatisation et autres. Puis de protection incendie, c'est-à-dire okay. que le centre devrait être giclé. Alors, c'est vraiment une question de mise aux normes, là. En vue d'éventuellement, s'il y avait des projets d'expansion, mais là, c'est une mise aux normes, là, éclairage, isolation, c'est un projet d'autour de 400 000 $ là. Encore là, qui est éligible aux mêmes critères de subvention. Alors, on en profite, là, pour okay. avoir de l'aide, puis ça met aux normes. Okay. Alors, dès qu'il y a une ouverture pour nos équipements, ben, c'était souhaité depuis longtemps, ben, on veut pas manquer le rendez-vous, alors on essaie là, de profiter de toutes les opportunités. Okay. On choisira. Okay. Là, si on a des réponses positives, le conseil prendra la meilleure décision dans le contexte. Comme vous avez dit dans le journal ce matin, vous allez à la pêche, en fait. Ben, c'est ça. Nous, on a l'habitude, Saint-Vénitien, on a toujours des projets de presse et à table. Alors là, on est des pauses avec les résolutions d'appui. Et puis, ultimement, c'est le conseil qui prend la décision. OK. Donc, ça, tout ça, est-ce qu'il y a un projet ou l'autre, est-ce que ça, vous m'avez dit plus tôt possible, dans l'autre également, vous ne savez pas non plus, ça peut, les réponses peuvent arriver très rapidement dans les deux cas ou ça peut être long. Là. Oui. On voit ce qui se passe à Roberval, puis c'est pas mal le même projet aussi, puis c'est Oui. C'est dans les mêmes enveloppes, exactement. Nous autres, c'est moins ambitieux, c'est sûr que c'est peut-être des projets moins importants, là. Okay. Mais c'est dans la même dynamique là, que Viroverval puis Delbeau également, là. Alors, on s'inscrit. On veut qu'il y ait une forme d'équité là-dedans, puis on veut faire reconnaître nos besoins. Alors, on s'inscrit, puis on fait confiance à notre député et à l'analyse que vont en faire là, les fonctionnaires. Bon, effectivement. Ben, M. Potvin, un gros merci. On se reparle dès que l'actualité dans le monde du sport à Saint-Félicien, ce qui touche le sport, va nous interpeller. D'accord, au plaisir. Le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin.